les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'écrivain, poète et dramaturge français Jacques Coudiberti est né à Antibes en 1899. Il se réclamera toujours, malgré sa profonde modernité, de cette appartenance qui le lie à un an près, au XIXe siècle. Mais il est évident, dans cette émission datant de 1954, que c'est du plus profond, du plus lointain monde méditerranéen, celui présent à l'homme depuis l'Antiquité la plus lointaine, qu'il se réclame. Il raconte ici son parcours et ses tout débuts. Domaine de l'esprit. Une émission de Michel Manol réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Coudiberti. Entretien avec Pierre Berger. Michel Bouquet, Alain Cuny et Jean Topard liront des extraits de Abraxas, Urujac et Rempart. Assistant de production, Harold Portnoy. Eh bien, c'est le moment de mieux évoquer ici vos années de jeunesse. Mes années de jeunesse ont été dominées par Antibes. Antibes ou depuis Picasso? Ah, ne parlons pas de Picasso. Bon. Picasso n'était pas là. Antibes était là. Oui. Il n'était pas encore question de Picasso. Il n'était pas encore question des peintres qui ont depuis déferlé sur cette zone. Antibes était la résidence toute naturelle des grandes forces naturelles. Nous vivions là dans une espèce de mythologie à la journée. Une mythologie que l'on touchait du doigt. La lune, le soleil, le vent, la mer, l'horizon, l'Afrique derrière l'horizon, la Corse quelque part par là, tout était à nous, tout était présent. L'enfant n'avait qu'à choisir, l'enfant n'avait qu'à se débattre devant tant de formes, tant de témoignages de la grandeur, du mystère, de la vie, de tout ce que vous voudrez dans cet ordre. Tel était Antibes. Ouais. Vous venez de parler d'une présence mythologique. Mais Antibes est aussi une ville historique dont les vieux remparts sont les témoins. Et à propos de cette présence de l'histoire, je crois qu'il faut se souvenir de certains faits qui peut-être ont fortement influencé votre esprit d'adolescent. Je parle... Les remparts, permettez-moi, les remparts, quelque chose d'assez amusant était que l'on prétendait, les guides le disaient, les anciens l'affirmaient, qu'ils étaient dus à Vauban. Dans ma jeune imagination, il me semblait que ces remparts étaient dus à Vauban et qu'on ne les avait pas payés et qu'il fallait payer cette dette d'une manière ou d'une autre. Napoléon débarqua à Antibes, en tout cas pas très loin. Oui, il passait son temps à débarquer en Antibes ou à s'embarquer dans Antibes. Antibes s'appelait Golfe Juan ou Saint-Raphaël, ou je ne sais quel port de la côte italienne. Non, Valoris est dans la montagne. C'est Picasso qui a débarqué à Valoris. Mais la présence de Napoléon était en effet nouée à la légende et à la mythologie antiboise. Les gens d'Antibes aimaient beaucoup Napoléon. Ils l'aimaient abstraitement, théoriquement. Ils l'aimaient comme un héros de légende. Ils ne lui attribuaient aucune existence vivante, charnelle, politicienne aussi. Quand Napoléon débarqua à Golfe-Juan, effectivement, les gens d'Antibes, la ville d'Antibes, fermèrent leurs portes à Napoléon, qui campa à l'extérieur et qui en fut réduit à aller chercher à Paris une hospitalité qu'Antibes lui refusait. Les Antibois, néanmoins, continuaient à aimer beaucoup Napoléon. D'autres éléments que Napoléon et la mer ont certainement bercé vos premières années. Oui, certes, Antibes était un pays extrêmement riche, je vous l'ai dit, de symbolisme et de poésie latente. Ma grand-mère était une typique femme provençale d'église en vêtements noirs, et sa religion, la religion catholique, était moins catholique au fond que biblique. D'ailleurs, le site d'Antibes et les allusions orientales et même tropicales que constituent ses palmiers et son soleil, son célèbre soleil, nous inclinent à croire, ma grand-mère et moi, que nous vivions réellement au pays du bon Dieu. Des deux testaments, au fond, celui qu'elle préférait était l'ancien. Et le fait aussi que dans cette maison d'Antibes et dans tout le vieux pays, On parlait le dialecte antibois, qui est une forme... Une langue qui a manifestement inspiré votre allure poétique. Oui, certainement, il a influé sur ma prosodie. Dans une mesure que j'estime prépondérante, la tonicité de ce dialecte humble et rustique, la force de ses syllabes, constitue l'armature phonétique des vers que j'ai écrits par la suite en langue française. Prisonnier du bélier du vent chargeant le seuil, je remplace l'amour par l'amour et le songe. Hors d'état de briser la chaîne qui s'allonge des mortels et des morts suivant le même deuil, je suis en même temps et tour à tour le treuil qui siffle, ainsi l'oiseau, que cessa le mensonge. Et des astres chacun dans mon cœur dès qu'il plonge, et le clou de ma chair qui tracassait l'orgueil. Parachevé plaintif sur des plans que sépare l'insondable sommeil de la bête barbare, de l'absence africaine où le fils blanc se perd, j'aromate ma vie avec ma survivance. Oui, j'écoute des fois dans le cri de la mer aboyer, me nommant le Dieu qui me devance. Quand j'écris mes alexandrins, quand je les écrivais, je pense que quelque chose de la gorge, du souffle respiratoire et même de la démarche mentale des maçons, des paysans et des pêcheurs d'Antibes est reproduit par ma syntaxe française. Votre père était donc maître maçon et vous ne lui avez pas succédé. Comment s'est accomplie cette rupture ? Oui, mon père était maître maçon. Je pense qu'il n'est pas mal que je rende au fil du souvenir un insuffisant hommage à cette silhouette de mon père dont le grelot de sa bicyclette tintait dès 5 heures du matin sur les routes blanches d'Antibes. Vous aviez déjà commencé des études. Et comment étiez-vous comme élève ? Oh, je ne me vanterai pas d'avoir été un mauvais élève. J'étais un élève banal. Mais sans doute étiez-vous davantage attiré déjà par les légendes et les grands mystères du monde, bien plus que par l'esprit des programmes scolaires. Oui, je crois que je manquais trop d'imagination pour être un bon élève en sciences exactes. Il faut en effet une forte dose d'imagination pour arriver à se mettre dans la tête que 2 et 2 font 4, alors qu'il est bien plus simple de se laisser aller au positivisme immédiat de la rêverie et de la légende. Victor Hugo, par exemple. Vous lui avez consacré 20 ans plus tard un poème qui pour vous est un véritable poème de circonstances. Nous en entendrions volontiers un passage caractéristique. Pour moi, Victor Hugo se confondait avec l'idée même du Tout-Puissant et de l'Éternel, de ce Dieu biblique de ma grand-mère. Et je pense que dans ce poème, je suis même sûr que dans ce poème, je m'adresse non pas tellement à Victor Hugo qu'à Dieu lui-même, à Dieu le Père, dont je prétends qu'il s'est déguisé en Victor Hugo pour venir rendre visite à son peuple humain de la terre. Et je m'efforce de le démasquer. Je te démasquerai, toi qui permets qu'on t'aime, qu'on dresse devant toi le temple et le système, qui, décrétant le pâle, féconde le martyr, qui toujours appela la cymbale guerrière et le cheminement vermeil de la prière, mais qui, lorsque de toi tu veux vers toi sortir, fais les harpes mugir sous tes paumes divines, fais les flûtes tonner sous tes lèvres bovines, et consternes ainsi notre âme, ô fortuné, à qui cette impudeur dénonce ta défaite, mais qui, lorsqu'elle entend haleter le suffète, goûte qu'il la choisisse afin de l'étonner. Parmi nous divisés, Seigneur qui te conquère, à ton juste reflet tu consens pour vicaire Moïse, Michel-Ange, Homère, Alighieri, ces prophétiques noms que ta démence ausculte, hurle Victor Hugo, quand tu te rends ce culte énorme dont le monde entre tes poings sourit. Votre premier livre, L'Empire et la Trappe, mélange de Napoléon et de la rue Saint-Esprit, votre premier livre date-t-il d'Antibes ? Non, de Paris. Date exacte 1930. Vous étiez à Paris. Depuis 5 ans. Journaliste, je crois. Journaliste, si l'on veut. En réalité, je faisais la tournée des commissariats. C'est aussi être journaliste. Oui, et vous avez alors rencontré une humanité désespérée, pittoresque, à laquelle manifestement vous devez beaucoup. Oui, j'étais venu à Paris pour compléter mes études qui me furent administrées par des précepteurs inattendus. Ce sans doute que tous les provinciaux venant à Paris trouvent plus ou moins dans les pensions de famille, dans les restaurants, au hasard des rencontres professionnelles. Oui, en quelque sorte, vous avez à Paris complété votre univers. Vous avez été tout de suite citoyen de Saint-Germain-des-Prés. Pas tout de suite, j'ai longtemps bourlingué à travers la banlieue, et c'est sur ce fond de banlieue, de police, d'assassinat, d'incendie de zone que se détachent certains de ces précepteurs dont je vous ai parlé, tels occultistes à lunettes et même un philosophe hindou à la barbe violette. Chaque couple d'années m'apportait ainsi quelqu'un qui m'acheminait vers l'initiation de la culture, en attendant celle de la vie mondaine. Oui, et ce fut aussi, je crois, le premier temps de vos grandes rencontres littéraires, votre arrivée dans le monde poétique, dans le monde de la poésie. Benjamin Perret, je crois... Ah oui, Benjamin Perret, le surréalisme. Perret fut pour moi une rencontre très pittoresque. On connaît le rôle à la fois modeste et considérable de Benjamin Perret dans la littérature française, par les voix du surréalisme et de sa fidélité, admirable d'ailleurs, à André Breton. Je me souviens, si vous me permettez de vous narrer un souvenir... Je vous en prie. Oui, je me souviens d'un voyage que je faisais en taxi de la Marne, les vieux taxis rouges et noirs de Renault, qui étaient très hauts, de carrosserie. Nous montions à la rue Fontaine, nous allions vers Montmartre, et Benjamin Perret m'annonçait que la révolution surréaliste ne laisserait en somme rien de ce qui avait été l'ancienne littérature. Et je plaidais, j'en étais toujours à Victor Hugo, bien sûr, et même à Edmond Rostand, et je plaidais pour ces noms qui m'étaient chers, Victor Hugo, Edmond Rostand, Benjamin Perret était très, très sévère. Soyez tout à fait rassuré, finalement, les surréalistes n'ont pas brûlé Victor Hugo, et puis ils n'ont pas brûlé non plus Edmond Rostand. Ils sont toujours présents, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois d'ailleurs qu'ils n'en voulaient pas spécialement à Victor Hugo, mais à d'autres. Je crois qu'à un moment donné, quand vous avez commencé de parler à Jean Paulhan d'un livre, d'un roman que vous aviez l'intention d'écrire, il vous a beaucoup encouragé. Vous parlez d'Abraxas ? Je parle d'Abraxas. Ravenne, à la bouche des fleuves morts, dans le soleil blanc et poudreux de l'Adriatique. Ravenne, hameau d'Hercule, épouse des ultimes empereurs, tombe et tombeau du poète, ville mâle et femelle, dans les bandelettes de marbre vert. Neptunéenne et gothique, héritière d'Alexandrie sur qui l'Arabe déferla, Ravenne. Ravenne où le sol bouge comme un radeau de cadavres fardés. Ravenne qui, ne pouvant à la fois être Rome et Byzance, somnole dans une majesté qui s'équilibre, glaciale et pourprée, entre la pesanteur et la marqueterie. En présence du vicaire général, du répartiteur vénitien, du podestat et du prieur des Camaldules, presque bouffon celui-là, dans son manteau de crème, avec ses yeux hilares, il représentait les intérêts du Carmel, on avait extrait de son mausolée ciselé, dans la basilique de Saint-Apollon au ciel d'or, le corps d'Élisée, fils d'Élie et Élie lui-même, lequel est fils d'Apollon. Le peintre Sabato Caracasio, dit Sato il Baldo, assistait à l'opération, ses pinceaux à la main. Le mausolée avait été établi par les architectes de Théodoric. Il se présentait comme une baignoire à coupole, un marbre d'une blancheur aussi désespérante que l'albumine de l'œil, truffé d'agate, de diaspre et de corniole, fouillé de sculptures à vous en donner mal au cœur. Il fallut y aller au ciseau et même essayer d'un bout de raison. La coupole, à la fin, céda. Une vague de putridité florale emplit l'église aux colonnes veinées, déferla contre les parois de mosaïque, flatta les figures peintes par Caracasio, flotta sur Ravenne, finit sur la mer. le triple saint apparut, planant dans la cuve de pierre. Il se présentait comme un mannequin tapissé de lames d'argent entrecroisées. On devinait sous cette carapace brillante un rembourrage de sphère. Où était le corps dans tout cela? Une discussion s'éleva. Le podestat et les hommes de Venise étaient d'avis que les carmes de la province de Galice, ayant mandé 300 doublons et 300 florins d'Espagne, plus 15 onces de pierre d'azur pour obtenir le corps de saint Apollon, il convenait sans tarder de leur expédier le dit corps, mais non pas les larmes d'argent. Un corps, c'est de l'os, de la poussière, mais l'argent, c'est de l'argent. La République et la cité garderaient les larmes d'argent. Permettez, objectait le Camaldule. Si vous dévoyez les larmes d'argent, le corps de saint Apollon s'en ira en opérette. Les carmes de Galice ne recevront de vous qu'une relique faite avec du vent. Le podestat, homme raisonnable, alors représenta que le voyage de ce cadavre argenté nécessiterait un très grand impédiment. Un chariot, une escorte serait nécessaire. Il faudrait que les carmes augmentassent leur tribut. Mais ce sont des mendiants, s'écria le Camaldule, sans cesser de sourire. Sato Caracasio, grand, brun et maigre, avait dans le regard une flamèche d'idéalisme surnaturel qui lui donnait parfois l'air égaré. Il s'écria que ces marchandages étaient indignes, qu'il n'aurait jamais cru qu'on pût ainsi trafiquer d'une matière si vénérable. On l'écouta sans interrompre. C'était un grand artiste. Il achevait présentement une frise de vierges et de confesseurs à la fresque dans la sacristie de la basilique où se trouvait déjà de lui en plusieurs toiles la vie de Moïse et celle d'Élie. Il haussa les épaules et retourna à ses échafaudages. Finalement, on décida que le corps serait incinéré et les cendres rassemblées dans l'urne que l'on façonnerait avec l'argent de la carapace au préalable fondu. Le Camaldule se déclara satisfait. Carmes et Camaldule, alors, préférait ne pas insister. Dans la chrétienté régulière, il ne se sentait guère d'aplomb. On décortiqua saint Apollon. Sous l'argent apparurent des linges, des canevas d'or et de laine, et puis des linges encore et une espèce de sciure humide, et enfin un fuseau oblong de forme vaguement humaine d'une substance grisâtre et poreuse. Ces restes furent brûlés dans le four du céramiste municipal. Les cendres obtenues contenaient un corpuscule conique et blanc d'une irréductible dureté. Le tout était maigre d'aspect. À ces cendres, on ajouta celles d'une petite branche de cèdre. On les logea dans une urne d'argent, ciselée. Au-dessus d'un paysage marin, on voyait la croix dans un cercle rayonnant où les connaisseurs discernaient le soleil. Qui donc convoirait le reliquaire jusqu'en Galice, au bout du monde? Là s'arrête net la platitude quadrangulaire de la terre. Là, par les belles nuits d'été, on entend chanter les élus, crier les damnés. La lune, là, pèse sur les humeurs des hommes, sur la tenue de la mer. Cette mer que vous pouvez toucher, le ciel tout de suite la prolonge, le ciel de la mer lui-même prolongé par le vide. L'arôme de Dieu prolonge le vide. Au bord de l'Espagne, ainsi commence l'infini. À Braxas, paraît, c'est un succès, tout va très bien, et votre carrière littéraire se dessine vraiment d'une façon admirable. La même année, d'ailleurs, l'Académie Mallarmé vous décerne son prix pour votre œuvre poétique. Une œuvre alors fort courte, c'est vrai, mais déjà typique et significative. Et en même temps, vous publiez des poèmes dans la plupart des revues du temps, et surtout la NRF. Naturellement, c'était la moindre des choses. Eh bien, c'était une extraordinaire académie que l'Académie Mallarmé. Tout de même, ça serait très bien que vous lui adressiez un petit hommage à la faveur de quelques souvenirs. D'autant plus que ce fut une des plus heureuses journées de ma vie que celle où, appelé par cette extraordinaire Académie Mallarmé qui, je crois, n'existe plus, je me suis vu en présence de ce que l'on ne verra évidemment plus car la mort a fait son œuvre. Je me souviens en présence réellement de la poésie française, vivante, oui. En chair et en os, avec ses yeux brillants, avec ses bons sourires. Ils étaient là tous, ils étaient au nombre de 15, mais c'étaient les plus grands noms. Je vais vous en dire quelques-uns. Il y avait là, côte à côte, Paul Valéry, Paul Faure, qui a l'air d'être le contemporain de Louis XI. Il y avait Léon Paul Fargue, avec sa cigarette, comme une langue qui sortait de ses lèvres spirituelles. Il y avait Jean Cocteau et il y avait Saint Paul Roux. Je sens encore sur ma joue la barbe de ce Saint Paul Roux. J'avais l'impression vraiment que tout le panthéon de nos lettres bien-aimés m'embrassait ce jour-là. Je me souviens qu'à cette époque, on vous trouvait chaque matin à une table du Café de Flore qui n'était pas encore entrée dans sa légende, mais qui déjà recevait beaucoup de poètes, beaucoup de jeunes poètes et d'anciens également. Vous écriviez sans jamais lever la tête. Vous étiez un élève obstiné, appliqué. La pluie tombait. Juillet, soleil, d'eau froide crevait sur le fourrage, sur les maisons. Le véritable soleil n'apparaissait que de loin en loin. Le soir, des fois, des étoiles se faisaient voir. Le vent chargé de gouttes ne tardait pas à les éteindre une par une, mais ces gouttes qui retombaient, elles avaient, givre de miel, un goût d'étoile. L'aurière coulait à bloc. Le matin, en ouvrant les volets après une nuit de vacarme humide, des milliers et des milliers de rivières et de lacs vidés sur cette ville, où d'ailleurs l'on ne trouve pas, sauf à l'hôpital, une seule baignoire. Les oreilles bourrées du bruit de l'aigu descendant feuille à feuille, le tilleul devant ma fenêtre. Ce tilleul, par ailleurs, immergé tout entier dans la substance de l'averse. Je m'étonnais que le porteur d'eau, le déluge, n'ait pas encore atteint le palier du troisième. Que les vallées ne débordassent pas au ras du goulot. Là-haut, cependant, sur la croupe verte bleutée de blanchissement vaporeux, le bouquet de sapins que la maigreur de ses branches rend transparent, échafaudage des artimons de la terre, de l'arche terrestre, il navigue sans fléchir. Ma pensée faisait de moi le marin qui vole entre les bras de cette mâture parallèle. Parfois de la gare, cette gare aux toits noirs, aux murs blancs, aux boiseries violettes, posée sur le tapis dégraminé avec son académie de locomotive, me parvenait à travers les kilomètres cubes d'eau fraîche un cri d'oiseau phénoménal, choc d'un marteau sur l'acier, d'une roue qui tourne, ou peut-être justement d'un oiseau, membraneux, immense, et oublié. J'attendais, je suppliais qu'il s'achève ce cri, dans une sonore verroterie d'hilarité. Et je regardais vers le nord, à l'occident du Suglucie, du côté fabuleux d'Urujac. L'aurière passe au bas de la ville, elle longe d'abord l'arrière des oustals, chevauchée de combles inégaux, encagée de balcons de bois, tout un décor fragile, inusable, cahotant, avec des toitures rapiécées, tuiles rouges et tuiles noires mêlées sur une même charpente, comme ailleurs les couleurs d'un coucher de soleil ou les passions dans la mosaïque de l'âme. Plus loin se dresse le clocher pointu de Saint-Zérald, sapin d'ardoise bien collé. Partout il s'encadre, ce clocher, au fond des rues étroites. Lui répondent, dans Prère-Luc, d'autres sapins, ceux-là d'épines végétales, même formule conique, même puissance à méditer. À l'angle du reflet des toits grouillent des poissons minuscules. On distingue dans le miroir de la belle onde montagnarde le pot de fleurs et la persienne. La haute pointe du clocher est tout autour, un vol panique, bifurqué, tourbillonnant d'enfants de truites, pas plus grands que des moucherons. Votre furie productrice nous vaut alors, coup sur coup, Urujac, des tonnes de semences, Carnage, La Nouvelle Origine, Lana, toujours. Eh bien, La Nouvelle Origine, qui était un essai, et je me souviens un peu de quelle façon est née cette Nouvelle Origine, si je peux me permettre un mauvais langage. Voulez-vous dire, voulez-vous rappeler ici ce que la mauvaise origine, la nouvelle origine... La mauvaise origine aurait pu... Je m'en pars de ce lapsus, peut-être prémédité, en tout cas heureux. En tout cas, il était parfaitement inconscient. Et en tout cas, admirablement transitif. En effet, je ne sais pas si elle était mauvaise, cette mauvaise ou cette nouvelle origine, disons la nouvelle origine, puisque c'est son titre officiel, cette fureur productrice qui s'emparait des écrivains au moment où la mésaventure s'emparait, elle, de notre pays. Je crois, en effet, qu'il faut souligner que dans l'esprit de beaucoup, et particulièrement dans l'esprit de ceux qui étaient autour de moi, de mes amis de cette époque, l'idée mathématique, l'idée immédiatement équitable, que l'on n'essayait pas d'approfondir davantage pour autant, d'ailleurs, était que, si elle était en mauvaise posture sur les champs de bataille, la France devait obtenir fatalement une compensation dans les domaines spirituels. Et c'est pourquoi ceux qui voulaient bien me faire confiance et qui s'imaginaient que j'avais l'étoffe d'un petit meneur intellectuel me contraignaient, me mettaient en demeure de prendre la tête d'un mouvement de rénovation intellectuelle qui, selon eux, était obligatoire. Il y avait là une espèce de loi mathématique dans leur esprit. C'est ainsi que je fus amené à écrire la nouvelle origine, qui était la charte de ce qui devait succéder inévitablement au surréalisme et qui ne contenait à aucun degré, à aucun moment, une indication précise concernant une école littéraire ou une doctrine quelconque. Ce n'était au fond qu'un livre de mots. Vous venez d'écrire, il y a quelques mois, écrire et publier dans une revue qui s'appelle La Parisienne, vous venez d'écrire un traité de ce que vous appelez vous-même l'abhumanisme. Est-ce qu'on peut considérer que cette doctrine que vous venez de formuler tient en quelque sorte les promesses de la nouvelle origine ? Oui, si on veut, on peut tout raccorder à tout dans la dialectique sans borne et sans contrôle de l'univers. L'abhumanisme est en effet une espèce de commencement de thèmes de la pensée un peu plus précis que celui que ne contenait pas la nouvelle origine. Je pourrais, si vous voulez bien, vous donner au moins une des formules de l'abhumanisme. Oui, c'est que, j'allais vous en prier d'ailleurs. C'est que l'abhumanisme pense, s'il se permettait de penser, plus exactement, il penserait que tout le mal vient de ce que l'humanité ait été confiée aux hommes. Nous allons maintenant revenir à votre œuvre. Voilà que tout d'un coup, vous vous engagez sur une nouvelle voie. Je parle du théâtre. Vous y êtes venu tard. C'est plutôt le théâtre qui est venu à moi. Je n'avais jamais pensé à écrire pour le théâtre. J'ai écrit, en effet, une première pièce qui s'appelle Quat Quat. Il s'agissait pour moi d'un texte littéraire, comme un poème ou comme un conte, mais agencé en dialogue, ce qui le rendait jouable. Et c'est Catherine Todd, dont vous connaissez certainement le nom. Très bien. Qui me fit la surprise de me révéler que cette pièce de théâtre en était une. Cette surprise me fut exprimée par Catherine Todd en ces termes. Je monte, quat, quat. À cette déclaration, j'aurais pu croire qu'il s'agissait d'un cheval. Oui. Elle le monta d'ailleurs non sans difficulté et non sans coup d'éperon. Qu'elle distribuait, mais qu'elle recevait aussi, car les circonstances n'étaient pas extrêmement favorables pour une jeune personne à la tête d'une jeune compagnie essayant de faire triompher une jeune pièce. Ensuite... Mais mon véritable début, si vous voulez, au théâtre, fut marqué par le succès que rencontra ma pièce Le Malcourt auprès d'un autre jeune metteur en scène, Georges Vitali, qui voulut bien essayer de faire partager au public la bonne impression qu'il avait de cette pièce que j'ai située dans un 18e siècle de fantaisie. C'est sans doute grâce à vous d'ailleurs que Vitali a longtemps été le champion, enfin le parangon du théâtre poétique. Il a reçu, je ne sais si je dois me poser en parrain de Vitali. Ce que vous savez, c'est que Vitali, dans son théâtre de la Huchette, a monté successivement deux de mes pièces, La Fête Noire et Pucelle, et que chaque fois, une jeune comédienne de valeur a été lancée. En effet. Suzanne Flon et Claude Jansac sont des élèves, sont des créations de Vitali. Elles sont d'ailleurs devenues toutes deux maintenant de grandes vedettes du boulevard. Et nous devons nous en féliciter. Eh bien, très vite d'ailleurs, vous-même, vous êtes devenu un auteur dramatique si conséquent, si important, que la Comédie française vous ouvre ses portes, je crois, en 1948. Oui, le télégramme de Paul-Aimé Touchard m'annonçant qu'il prenait les femmes du bœuf pour la Comédie française, m'atteignit en Antibes. Eh bien, ce fut un bel oriflamme pour les remparts de Vauban. Oui. Hein? Et votre entrée à la Comédie française n'a pas été d'ailleurs sans émouvoir aussi bien les abonnés du Mardi que les tenants du non-conformisme théâtral. De la Huchette à la Comédie française, vous suiviez non seulement la voie des honneurs, mais peut-être, qui sait, celle du Quai Conti. Nous allons encore revenir à vos romans. Vous avez publié en moins d'un an Le Maître de Milan, Les Cent Jours, Marie Dubois, L'Ouvre-Boîte. Eh bien, on peut dire que votre puissance de travail et de plus en plus grande, et en même temps vous peignez, et vous avez d'ailleurs fait plusieurs expositions. Ce que vous peignez et dessinez est le prolongement graphique de ce que vous écrivez. Êtes-vous d'accord sur cette appréciation ? C'est en tout cas la récréation, c'est en tout cas la détente de peindre. Les rythmes inclus dans le tempérament et dans le sang de l'artiste écrivain se libèrent d'une manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus gymnastique pour lui quand il peint que quand il l'écrit. Mon opinion est d'ailleurs que tout le monde peut peindre et que tout le monde peut écrire. Les peintres, comme les écrivains, sont parmi les gens ceux qui ont exploité cette découverte d'une aptitude qui, me semble-t-il, est générale à l'espèce tout entière. Oui. En ce qui concerne le maître de Milan, il me plaît de dire que ce livre marque très exactement la naissance d'un nouveau genre, le roman poétique populaire. Et là, il ne s'agit pas de poésie involontaire ou irrationnelle, comme disent les surréalistes, mais d'une poésie particulière, celle que le peuple a l'habitude de trouver dans des romans un peu excentriques. Et je voudrais, à ce sujet, si vous êtes en accord avec ma formule, je voudrais que vous donniez vous-même une définition précisément du sens général de votre œuvre romanesque. Peut-être n'est-elle pas encore achevée, car il me semble que je pourrais encore écrire. Je suis persuadé que vous écrirez encore beaucoup. Du point de vue de la poésie, il me semble que la poésie tout entière a déjà été écrite. Pour les romans, peut-être les suggestions et les modèles que nous propose la vie nous donnent-ils encore un peu d'espace pour nous exprimer. Vous me demandez s'il y a un sens général à mon œuvre romanesque. Je crois qu'il y a, d'une part, le grand intérêt que je porte et que nous portons tous à la souffrance de nous-mêmes et de nos congénères dans l'espèce humaine. Et j'ai essayé dans mes livres de manifester deux préoccupations prépondérantes. D'une part, et là nous retombons peut-être dans l'abhumanisme, d'une part, l'incapacité, la douloureuse incapacité de l'humanité à régler ses propres problèmes, ses problèmes les plus immédiats, les plus humains, les plus intrinsèques à elle, qui sont ceux de l'amour et qui sont ceux de la guerre. D'autre part, que reste-t-il du cheminement religieux dans les âmes ? J'ai également essayé d'isoler ce deuxième point. La conclusion, la réponse que je sollicite dans ces œuvres romanesques, elle est sans doute renvoyée au jugement dernier. Pour l'instant, chacun de mes livres est une sorte de prière enrobée de descriptions pittoresques où de pauvres créatures montrent leur nudité, leur impuissance et d'une manière ou d'une autre crient vers le salut. Mais vous me parlez de pauvres créatures, je pense précisément à l'infirme du maître de Milan. Vous en avez positivement fait une fée, puisque un des grands de ce monde, le maître de Milan, lui donne son amour, et c'est un amour extraordinaire, aussi pathétique, si l'on peut dire, que celui de Roméo et Juliette. Ce roman m'a si intéressé que j'étais amené à penser que c'était votre œuvre, votre enfant préféré. Est-ce que je me suis trompé ? L'enfant préféré est toujours le dernier-né. Mon dernier-né est Marie Dubois, pour lequel j'ai une certaine prédilection. Pourquoi ? Voulez-vous définir cette prédilection ? Parce que je pense que je suis allé avec plus de distance entre mon sujet et moi-même dans le sens de ce que je recherche, à savoir montrer à quel point un autre monde est un purgatoire et que la connaissance, ou tout au moins la paix, ne saurait être obtenue qu'après l'avoir traversée dans sa souillure la plus profonde. C'était déjà le thème de Carnage. C'est d'une manière plus réaliste, peut-être, et davantage vécue par le contact et par un examen microscopique, par un examen qui m'engagerait moi-même, le contact avec l'horreur d'ici-bas. Marie Dubois, d'ailleurs, comme votre œuvre romanesque entière, est peuplée de personnages insolites. Et j'en reviens à vous demander si vos hasards dans la vie, vos rencontres insolites, sont à la base, enfin, de tous les héros de votre œuvre. Il y a en effet les héros, les modèles qui me sont donnés par les rencontres et qui me sont donnés par la vie. Ils disparaissent en général sous une carapace de verbalisme et d'éloquence littéraire. Il y a ceux qui sont les créations spontanées, pures de l'imagination, mais je crois que ce sont les moins nombreux. Tous ont une référence charnelle et vivante, la plupart en tout cas. Nous allons sortir un peu de votre œuvre, si vous le voulez bien, et nous allons parler un peu de la littérature des autres. Je crois qu'il y a des gens à qui vous devez, et lesquels ? Parmi les vieux camarades paternels, je reviens encore à ces noms que j'ai cités tout à l'heure, Victor Hugo bien entendu, n'est-ce pas ? Oui, mais ce sont là des anciens et oui. Je ne doute pas et que... Et puis il ne faut pas non plus que cette conversation devienne un festival Victor Hugo. Non, je veux rendre hommage à deux hommes qui sont, grâce à Dieu, bien vivants, quoique déjà entrés dans notre histoire nationale. Il s'agit de André Breton et de Jean-Paul Sartre, que je ne cesserai de remercier pour l'encouragement permanent que leur existence même est pour tous les écrivains de langue française. Deux hommes seulement, c'est peu. Enfin, vous êtes très limité dans vos affections. D'ailleurs, la sévérité est une vertu littéraire. Vous n'en voyez pas d'autre auquel... Laissez-moi vous dire pour quelle raison. Je pense que Sartre, la motocyclette, oui. Et André Breton, la perruque, oui. Mais la noble perruque, la perruque généreuse, la perruque tarabiscotée et en même temps équilibrée et classique, doivent être, au passage, toujours salués par un coup de chapeau déférent de la part de quiconque tient une plume. Breton, en effet, a joué dans la mise au jour de l'entraille profonde de l'humanité un rôle qui le rend l'égal de Freud dans la médecine psychologique et, paraît-il, d'Einstein dans les mathématiques. Le relatif, le caché, l'antérieur, le prénatal, l'inconnu devenaient éblouissants d'une sorte de lumière noire par ses soins. Quant à Sartre, le bruit qu'il fait en dédiant la langue française à une expression théorique et professorale de l'angoisse, illustrée en même temps par le théâtre et par le cinéma, crée une espèce d'agitation mentale, un remous tourbillonnaire dans lequel tant d'entre nous ont vu une issue pour leur propre expression. Sartre n'est pas poète, Breton a une œuvre poétique. Et il semble que vous ayez surtout parlé d'André Breton, théoricien d'un mouvement. Que représente tout de même pour vous la poésie d'André Breton ? Oh, je ne veux pas m'attarder sur André Breton. Puisque vous avez parlé de poésie, je parlerai de la poésie en général. Et peut-être, c'est une question que vous pourriez me poser, puisque nous avons commencé cet entretien par l'enfance, c'est-à-dire par la poésie, et ensuite par la poésie proprement dite, qui est encore l'enfance. La poésie n'est peut-être qu'une certaine manière de ne pas cesser d'être enfant. Vous pourriez peut-être vous étonner de ce que je n'écrive plus de vers et que je semble... J'avais en effet l'intention de vous demander de vous poser cette question, car il est vrai que depuis des tonnes de semences, vous n'avez plus jamais publié le moindre recueil poétique. Je n'écris plus de vers, je n'ai plus envie d'en écrire, bien que, au fond, ce soit assez facile d'écrire des vers. Il suffit de prendre une plume et d'avoir le temps, ou même dans le métro, on pourrait encore essayer de faire venir sur le papier les syllabes qui plus ou moins se précipitent en quête d'une forme écrite et syntaxique. Si je n'écris plus de vers, si je ne fais plus de poésie, c'est que j'ai l'impression que la poésie a été écrite, que maintenant c'est fini, que tout le quorum, que toute la quantité disponible de poésie écrivable a été atteint. Les poètes ont fait leur œuvre, le rideau pourrait tomber sur eux. Pourquoi ? Parce que ce qui était jusqu'ici l'apanage de la poésie me semble être dévolu désormais à des formes d'expression mécanicienne, spécialement américaines, qui existent en vérité dans les camps militaires, dans les usines, dans les trajets interstellaires, ou qui vont exister et qui sont déjà annoncés par ce que les Américains appellent la science-fiction. Quand de toutes parts, les nefs ad astral cinglent les espaces célestes où jadis ne s'aventurait que la harpe tâtonnante des poètes, il semble que le temps est venu pour les poètes de passer la main. Toutes les métaphores sont actualisées par le réel scientifique et industriel. Toutes les rêveries, je parlerai par exemple des ondes, toutes les rêveries et les mots, les vocables qui les formulent, semblent être entrés dans la rubrique publicitaire ou même dans le corps des revues scientifiques. Je parlais d'ondes, il y a 1000 exemples qui ne me viennent pas maintenant à l'esprit, mais tout l'ancien arsenal de la métaphore poétique a été raflé par les physiciens de l'atome ou du sous-atome et par leurs réclamistes et affichiers. D'autre part, l'invasion de la langue française par des vocables d'origine étrangère, car vous savez que tous les objets qui ont été créés depuis la fin de la dernière guerre et même les modes de vie sociale sont maintenant désignés par une étiquette d'origine anglo-saxonne, si bien que le poète français, sur sa propre aire territoriale, se sent exactement comme pouvaient l'être les gens qui, au XVIIe siècle, écrivaient encore en latin, alors que tout autour, chacun parlait la langue vulgaire. Je crois aussi que le français, pour trouver un exemple plus proche des débuts de notre conversation, le français est vis-à-vis de l'anglais en ce moment dans la posture où le provençal l'était vis-à-vis du français. Tout cela n'est pas très encourageant pour écrire, pour écrire en vers, je veux dire. Écrire en vers, c'est écrire dans une langue confinée aux poètes et pour les poètes. C'était Domaine de l'Esprit, une émission de Michel Manol, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Audi Berti s'est entretenu avec Pierre Berger. Michel Bouquet, Alain Cuny et Jean Topard ont lu des extraits de Abraxas, Urujac et Rempart. Assistant de production, Harold Portnois. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 juin 1954. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.